Pour son numéro estival, le magazine culturel et artistique Bazar nous fait découvrir la musique country. Ah ouais? Au fait, ça vient d'où le country? Ah, ben ça remonte au 18e siècle, à l'époque où il y avait beaucoup d'immigration. Les Écossais, les Anglais, les Français, ils ont connu des temps difficiles et la musique leur permettait d'exprimer leur joie et leur peine. C'est un métissage musical très riche. Comment ça tu sais ça? Ben, je lis Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... Amazonia 3D, Apprenti Gigolo, Attila Marcel, Aventurier Voyageur Costa Rica, Casse-tête chinois, La Grande Séduction à l'anglaise, L'Immigrante, Programme Kino Québec, Le Règne de la Beauté, Suzanne, Le Temps de l'Aventure, The Grand Budapest Hotel, Tom à la ferme, Un été en Provence, Under the Skin, X-Men, Jour d'un avenir passé. Et au Musée de la civilisation, Le Clap vous présente... Suzanne, Un été en Provence, Apprenti gigolo. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Ne manquez pas le lancement de la programmation estivale animée par Jean-Sébastien Grondin et Tania Bellacasse au Bal du Lézard et en direct du 89.1 le 2 juin dès 15h30. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et également au choix musical pour ce soir et Marc Chaunet à l'animation. Alors comme vous le savez, on est quatre à faire l'émission Terra Incognita et on se partage le choix musical chacun notre semaine. Alors cette semaine, Bruno nous a concocté, comme d'habitude, un excellent choix musical. Alors, quatre beaux blocs pour ce 2 heures de rock progressif hebdomadaire. Et pour débuter l'émission, on ira du côté des Pays-Bas avec le groupe Sky Architect qui nous avait rendu visite il y a quelques années à la convention Terra Incognita. Un groupe de jeunes de la relève qui avait donné un excellent spectacle. Et cette fois-ci, donc, puis ils nous avaient présenté d'ailleurs des pièces de cet album-là, leur second, A Dying Man's Hymn, qui n'était pas encore sorti au moment où ils nous ont rendu visite. Et ce sera la pièce de Campfire Ghost Song. Cet album-là est divisé en 3 pièces. Il y a 9 pièces en tout, mais il y a 3 grands thèmes, si on veut. Et cette pièce-là, c'est donc la pièce de conclusion du premier thème, Rustic in the Wind, et la pièce de Campfire Ghost Song. On poursuivra en Italie avec Progenesi, avec leur premier disque paru l'an dernier. C'est un groupe instrumental, c'est le intitulé Ulisse, l'Alfiere Nero. Et ce sera la pièce Un Grande Héroe, un grand héros. Et on terminera avec un groupe grec, la Tulipe Noire. C'est un groupe avec qui n'avait pas fait paraître de disque depuis 6 ans. Si je ne me trompe pas, oui. En fait, le dernier était en 2006. Alors, ils nous reviennent en 2000. C'est paru en 2013. Cet album-là est intitulé Matricide. Donc, c'est leur 6e. Pour cet album-là, il y a une excellente chanteuse qui s'est joint au groupe. Et c'est très bon. Moi, j'adore cet album-là. Donc, on aura la pièce... No Arc. Mais tout d'abord, donc Sky Architect, ensuite Progenesi et La Tulipe Noire. tired ones again. The hair and mask and moves, waves of sweat are rolling again. The flames are bright and warm. My eyes close and shut. A demon fights his angels off. The forest whispers chaos. Sleep will come to me. In patterns and on smoke grease tonight. It goes and wakens now. Roll in a robe of flames. Ready to foresee my doom. This whisker on his face remind me of myself. His manic smile familiarized his iridescent eye. What shivers through my spine? The white flames left me mesmerized. He came into my dream, spoke to me in fear, as if I did some horrible thing. But when does it return? In a place that was not true, this dawning dream foretold no good. Campfire knows my tale, a ghost recites and knows my will. A song is told through the flames and endless still unknown to me. The campfire knows my tale. The campfire knows my tale. Trees don't lie, they only see. Lifting me up through the

Where is my light? Where are my thoughts? Where is my sound? Where is my heart? They're all gone. Thank you. messenger, the night. Burning lights arise. People take their places. From all this gloom, life.

so much. Now you feel secure in the darkness with your face against the wall. You play up your life by the breeze, but sell your soul. Action, seeking yourself in the kingdom of to die. Now in the day of your life, you are closer to your real home. If you ascend to the sun's mansion, placing yourself in the kingdom of darkness. From this kingdom of light. gotta find out that summer's evening's gone. Relive a daydream, embracing home. Now we gotta wake up. Do we really think the world to be a creative oversight? Do we really think of senseless power? What forces will reveal, expose the true essence of things, the reason of all that has come to existence? No silent cries will be able to defy the law, alone in the night. Vibrations of truth will call for us. Will we ever find out what means to be? Will we spread it loud the day we see? While we exploring thousand mighty minds in the lost newborn, only true kingdom. think of everything to be alright. But our hidden souls already dwell in seas of flames. Let our solution. How can we stand the fire tomorrow? We'll be right back.

C'était le groupe Midlake. C'est leur plus récent album, ça vient tout juste de sortir, Anti-Fun. Et c'était la pièce Ages. C'est un groupe américain qui vient du Texas et c'est leur second album. Alors, juste avant, il y a eu Adria Spacefall, qui est un groupe de la Finlande, et leur plus récent album, Astronautica, la pièce Cycloop. Et il y avait eu également Aiken, du Royaume-Uni, The Mountain, leur plus récent album, Atlas Stone. Et on termine et on fait une transition avec l'autoroute, avec le gros Nick Turner, qui a joué dans Hawkwind, et c'est là son plus récent album Space Gypsy. On aura la pièce The Visitor. Ça fera donc la transition en cette émission du 31 mai 2014. Bruno Côté, c'est son choix musical, et la mise en onde également, excellente mise en onde de ce merveilleux voyage musical en rock progressif. Et Stéphane Villeneuve sera avec vous dans quelques minutes. Restez avec nous. On y va tout de suite avec Nick Turner. We'll be right back.